à raconter cette histoire, celle qui forme tous nos cauchemars, celle qui fait que beaucoup n'ont plus de lueur dans le regard, celle qui a plongé tant de familles dans le désespoir et qui forge nos prières pour espérer les revoir. C'est pour toi que j'écris, n'était que la première partie d'une famille de récits pour parler de toute leur vie. Quand on pleure, quand on rit, quand c'est pour elle, quand c'est pour lui, comment aimer la vie, ce son est pour toute ma famille. On se demande pourquoi, pourquoi une telle épreuve. Je me dis que Dieu n'existe pas et en voici la preuve. Désolé d'arriver brutal dès les premières mesures. J'ai pris une instru plus calme pour un thème bien plus dur, malgré les mois à passer, car morale toujours cassée. Rien d'étonnant car cette douleur personne pourra l'effacer. Ça pourra pas passer, c'est pas seulement deux enfants, c'est la raison de vivre de leur famille et de leurs parents. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. C'est pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. C'est pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. Sans eux c'est plus pareil, c'est sûr c'est plus les mêmes sensations dès le réveil. Maintenant on est rempli de peine, mais aussi rempli de haine contre la balance mulhousienne et sa décision de ne pas vouloir éterniser la peine. Briser toute ma famille, ça leur a causé aucune gêne. Par contre pour condamner une coupable à sa cause des gros problèmes, pour honorer leur âme on se bat sans se décourager. Mais j'aimerais bien faire en sorte que vos larmes arrêtent de couler, mais je sais que c'est impossible, ma requête n'est pas crédible. Mais j'ai quand même écrit ce morceau en vous prenant pour cible. Pinky, ma reine, Cyril et Céline, c'est pour vous et la famille de Kevin que j'ai écrit ces lignes. Une douleur si profonde qu'on ne peut pas la soulager. Si m'écouter vous fait du bien, alors chanterai toute la journée. C'est pour vous, c'est pour toute ma famille, pour vous que j'écris ce morceau, à vous que je donnerai ma vie. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. C'est pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. Pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. J'espère ne pas vous faire mal et que je choisis les bons mots, car le thème un peu brutal est pour calmer tous ces mots. Mais je l'ai promis, j'en parlerai toute ma vie. On fera en sorte que leur histoire soit connue dans tout le pays. Mais qu'est-ce que je dis dans le monde? Car c'est intolérable de voir les gens qu'on aime partir dans l'ombre. C'est tellement dur, c'est tellement sombre. Mais qu'est-ce qu'il reste de nos cœurs à part des décombres? C'est pour vous qu'on rit, c'est pour vous qu'on pleure, car c'est vous qui resterez à jamais dans nos cœurs. On vous oubliera jamais, vos cachotteries on le savait. Mais n'ayez pas peur, on a fait tout ce qu'il fallait. On vous oubliera jamais, tout le monde vous aimait. Parti trop vite, à vos âmes je dis paix. On vous oubliera jamais, tout le monde vous aimait. Plus qu'une chose à dire, reposez en paix. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. C'est pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand des malheurs. C'est pour toi qu'on rit, c'est pour toi qu'on pleure. Trop jeune t'es parti, mais tu restes dans nos cœurs. Pour toutes les familles qui subissent cette douleur, perdre un être cher et plus grand.